Le Forum allemand anti-impérialiste a envoyé le premier courant une lettre de protestation à l'ambassade sud-coréenne en Allemagne contre l'enlèvement collectif des citoyennes de la Corée populaire par l'agence sud-coréenne de renseignement.